et lavez-vous les mains régulièrement. En cas de symptômes, passez un test de dépistage et respectez les consignes d'isolement. Apprenez-en davantage sur les mesures au québec.ca/coronavirus. Respectons les règles, tout le temps, sans exception. Un message du gouvernement du Québec. Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire. Ce soir, on a encore plein de belles nouveautés et on va amorcer cette première demi-heure avec le troisième album, le nouvel album de la formation Evership, formation de Nashville aux États-Unis. Excellent album d'ailleurs, qui a pour titre The Uncrowned King Part 1. Et on aura aussi invité spécial Laura Mead, qu'on a pu voir à l'œuvre avec Iz, qui nous arrive avec un second album solo, The Most Dangerous Woman in America, réalisé avec John Calgano de Iz. Et on va conclure cette demi-heure avec Anthony Pirog, un guitariste virtuose américain de l'album Inside. Et je voulais vous dire que Laura va présenter les pièces, les deux extraits de ce nouvel album, et on y va avec Evership. We'll be right back. This track is called The Shape of Shock, and when we started recording this song, we knew that this had to be, it had to get pretty big. It's the 11th hour number, and it had to kind of bring you to a place, and I think this song does that. The melodic theme that runs through this song calls back to a previous song, and we really liked that idea of a thread that continuously runs throughout the album. It's Laura Mead here, and you're listening to Terra Incognita, Quebec City's home of progressive rock. This song is The Most Dangerous Woman in America. It's the title track and the centerpiece of the album. It was a true collaboration with John Galgano, written almost line by line, melody by melody, back and forth. One of the main musical themes of this album is the keyboard line, which is heard throughout the album, and reappears here at the end of the song. Like many of the songs on this album, it is a very emotional journey, and it was both a real challenge and a joy to record. Vous êtes presque parisienne. They say that I'm not tame. roses. Some I even kept. Long, difficult, beautiful life. Life as an empty cup, spilled everywhere. Long, difficult, beautiful life. Thank you. CKRL, communication, culture. Cette année, le Radiothon de CKRL sera du 28 au 30 mai prochain. Soyez solidaires en contribuant financièrement au développement de votre radio communautaire. Faites un don de 20$ et plus avant le vendredi 28 mai 17h et courez la chance de gagner le prix spécial don pré-Radiothon offert par le Lopinter. Un panier de légumes frais hebdomadaires pendant 16 semaines, de juin à octobre, d'une valeur de 400$. Vous voulez faire un don? Allez sur ckrl.qc.ca ou au 88-640-2575, poste 201, ou encore passez à la station au 405 3e avenue Limoilou. Votre soutien demeure essentiel. Merci d'écouter CKRL. Il faut devenir les animaux de la pulsion primitive. Ce jeudi 20 mai, dès 16h, CKRL vous dévoile la programmation de son Radiothon qui se déroulera les 28, 29 et 30 mai. Qui seront les invités de cette grande fête de la radio au profit de CKRL? Le 20 mai, dès 16h, c'est aussi le coup d'envoi officiel de l'encan interactif de 93 lots. Objectif: soutenir CKRL et la relance culturelle, prise 2. La force des C'est la voix du cœur. Je vous disais en début d'émission qu'on a pas mal de nouveautés. Eh bien, hier, le 14 mai, Mystery lançait un nouveau coffret live, 3 CD plus un DVD ou un Blu-ray, qui a pour titre Caught in the Whirlwind. Et c'est le 4e album live du groupe, ni plus ni moins. Le premier est paru en 2014, The Tales from the Netherlands, Second Home en 2017, et puis Live in Poznan en 2019. Donc, 2021, un nouveau coffret live pour Mystery. Et Michel Saint-Père, ce soir, va vous présenter des extraits de cet album qui a été lancé hier. Un album live, en fait, qui vient comme compenser pour le peu de concerts depuis... Mon Dieu, j'ose même plus y penser. Depuis Belle Lurette, donc un moyen de renouer avec la scène. Je vous laisse donc avec Michel Saint-Père pour la présentation de ce nouvel album en concert de Mystery. Oui, merci à Michel Bilodeau et l'émission Terra Incognita pour présenter notre nouvel album live en Blu-ray aussi, Caught in the Whirlwind of Time, qui a été enregistré en Hollande en novembre 2018. En fait, on a sorti cet album-là parce que au début, on avait enregistré le show en 2018 et puis on avait décidé de le mettre sur les tablettes parce qu'on savait qu'en 2019, on était pour faire une autre tournée et qu'on pouvait enregistrer d'autres spectacles en 2019. Et puis, on a sorti finalement l'album Live in Poznan qui était enregistré en avril 2019. Et qui devait en premier lieu être spécialement exclusif à la compagnie Oscar Records en Pologne. Donc le show avait été enregistré en Pologne et puis au début ça devait être juste un album en vinyle exclusivement disponible chez Oscar Records. Par contre, après avoir fini le mix de l'album, moi, ça me tentait vraiment de l'avoir sur mon étiquette en CD en plus. Donc, on a fait un accord avec le label polonais pour qu'on puisse le sortir sur Unicorn Digital en CD. Et puis, on avait en tête d'enregistrer d'autres shows pour faire un Blu-ray un petit peu plus tard pour une autre tournée qui s'en venait. Et puis, la pandémie est arrivée. Donc, ça a mis pas mal tout sur la glace. Et puis, quand on a commencé à canceller tous les shows de 2020, eh bien, les gars qui avaient filmé le show en 2018, qui sont basés en Hollande, ils m'ont écrit un message, puis ils m'ont dit « Peut-être que ça vaudrait la peine que tu regardes les images du show de 2018. On pense que ça pourrait faire vraiment un beau produit, là, puis que ça devrait être reconsidéré de le ressortir, là, vu qu'il n'y a pas d'autres spectacles en blanc. » Donc, on a tout regardé ça, et puis... c'est ça, c'est avec cette idée de remplacer un petit peu les spectacles perdus qui ont été annulés pour la pandémie qu'on a sorti Caught in the Whirlwind of Time. Pour la première pièce que vous allez entendre, il s'agit de Where Dreams Come Alive. C'est une pièce qui a été écrite par Sylvain Moineau, le guitariste de Mystery. Et puis, j'espère que vous allez l'aimer. Merci. Bye. you very much. Still having fun? We're having fun too. I see a lot of smiling faces. That makes us smile too. We're having like a lot of fun. Yeah. Unfortunately, at least we didn't cage the animal. He's out of the cage tonight. Salut, ici Michel Saint-Père du groupe Mystery. Bienvenue à Terra Incognita et cette présentation spéciale de notre album Caught in the Whirlwind of Time. La prochaine pièce que vous allez entendre est une pièce qui a été originalement enregistrée sur l'album Beneath the Veil of Winter's Face, qui vient juste de sortir en vinyle. C'est l'album The Sailor and the Mermaid. All right, here's a song called The Sailor and the Mermaid. I sailed away 4,000 years, searching for reasons to know. So many times I've left my fears, distract my soul from where I have to go. Of rock, this little boat, often too hard, but still it goes. After a storm, I only know how far a distance I must go. Tell them all I love them really had it all. Vous êtes toujours à l'écoute de Terra Incognita. Ici Michel Saint-Père du groupe Mystery. La prochaine pièce que vous allez entendre est tirée de notre nouveau Blu-ray Caught in the Whirlwind of Time. Il s'agit d'une pièce de l'album Delusion Rain, A Song for You. So just because this is our second home, this song is for you.

Apprenez-en davantage sur les mesures au québec.ca/coronavirus. Respectons les règles, tout le temps, sans exception. Un message du gouvernement du Québec. J'ai encore des nouveautés à vous proposer. Cette fois-ci, ça nous vient de France. C'est le groupe, l'excellente formation française Nine Skies, qui nous arrive avec un album acoustique et qui a pour titre, là, je vais vous le dire en français et en anglais, 5.20 ou 5.20. Excellent album avec comme invité notamment Steve Hackett et aussi le chanteur britannique Damien Wilson. D'ailleurs, c'est les deux pièces que vous allez entendre dans quelques instants. Et on aura aussi Caligonaut, excellent album du groupe de guitariste norvégien plutôt, qui c'est son projet personnel, de l'album Magnified as Giant. Et on retourne aux États-Unis avec Evership, The Uncrowned King. Et sans plus tarder, on y va avec Nine Skies. Thinking about their lead. lighter than air. Lay down and picked apart. Let me disappear with this world I need to part. I have difficulties getting used to my presence. I want to know how it feels, released from existence. Bright burning flare bade me in lucid eyes. Away from the stare I have inside my heart. I have difficulties getting used to my presence. I want to know how it same place today, lost within this reverie of yet another fate. Break this haze now, can't leave it. Just make it stop. Above the village. when the darkness of the night came out. Sisyphus boulder can be seen tumbling down over and over again, just like the folly of human existence. Porcelain hill is made of my heart, melted by a hundred knives, carved out of a thousand. By an assembly of dolls, here is the porcelain kingdom, where your heart and dreams still never ending, tumbling down over and over again, just like the body of human existence. Porcelain hill is made of my heart, melted by a hundred knives, carved out of a thousand dreams, smoke and mirrors, smoke. Salut, ici Michel Saint-Père du groupe Mystery et vous écoutez l'émission Terra Incognita. Caught the brother's wandering eyes. From here it

in the hope for a stranger's glance. Don't tell me still about that, about the same haunted priest, about the same honest world held this reality on it. It's a double happiness, like the change from night and day. Try to get a real answer for today's questions. There is no one to share his feelings with, and he falls into deep melancholy. Features and perspectives all seem to change. This is to be the beginning of an extraordinary experience where confusion, intrepidation, and fear rule the day. pleasure-see experiences are indeed hard to resist. But he still can't help feeling somewhat unnerved by his unusual predicament. In addition, little does he know that he is also about to play an important role in the outcome of an historical moment in the murky annals of Victorian crime in London. For this is where he has inadvertently strayed. On est déjà rendu à la dernière pièce et ce soir, on va conclure avec une formation italienne que j'adore, la Coscienza di Zeno. Ça va être un extrait de leur second album paru en 2013, Sensitivita. Restez des nôtres, l'autoroute suit dans quelques instants. Et puis moi, je vous invite à nous revenir la semaine prochaine, même heure, même poste. Et comme d'habitude, je vous invite aussi à vous abonner à la page Facebook de Terra Incognita. Sur ce, bonne nuit à notre écoute.